Mesdames et messieurs, attention, je vais vous présenter Hiroko Asakawa. Elle va vous chanter une chanson de Sailor Moon. C'est une très très jolie chanson. Écoutez. Onegai nagare poshi kondo koso nagasarete oboreru koi te yatsu wo naku dake naitara tsuki wa michi Elle vous transmet plein de gros bisous.